Nothing. I just tell you. Why you have to Salut, Bilos, Dirty, Tania. Salut. Mais non, Bilos, on t'a pas tant entendu. Hein. Ah, et Océan aussi. J'avais pas vu. Bon, bah, plus.